Premier livre des Chroniques, chapitre 14. Et Hiram roi de Tyr envoya des messagers à David, et du bois de cèdre, et des maçons, et des charpentiers, pour lui bâtir une maison. Alors David connut que l'Éternel l'avait affermi roi sur Israël, parce que son règne avait été fort élevé, pour l'amour de son peuple d'Israël. Et David prit encore des femmes à Jérusalem, et il engendra encore des fils et des filles. Et ce sont ici les noms des enfants qu'il eut à Jérusalem, Samua, Sobab, Nathan, Salomon, Jibar, Elisua, Elpele, Noga, Neph, Japhia, Elisama, Beaxantegue, Trema, Eljada, et Eliflé. Or quand les Philistins eurent su que David avait été oint pour roi sur tout Israël, ils montèrent tous pour chercher David, et David l'ayant appris, sortit au devant d'eux. Et les Philistins vinrent, et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. Et David consulta Dieu, en disant, « Monterai-je contre les Philistins, et les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel lui répondit, « Monte, et je les livrerai entre tes mains. » Alors ils montèrent à Baal-Pératsim, et David les battit là, et il dit, « Dieu a fait écouler mes ennemis par ma main, comme un débordement d'eau, c'est pourquoi on nomma ce lieu-là Baal-Pératsim. » Et ils laissèrent là leur dieu, et David commanda qu'on les brûlât au feu. Et les Philistins se répandirent encore une autre fois dans cette même vallée. Et David consulta encore Dieu, et Dieu lui répondit, « Tu ne monteras point vers eux, mais tu tournoieras autour d'eux, et tu iras contre eux vis-à-vis des mûriers. Et sitôt que tu auras entendu au sommet des mûriers, un bruit comme de gens qui marchent, tu sortiras alors au combat, car Dieu sera sorti devant toi pour frapper le camp des Philistins. » David donc fit selon ce que Dieu lui avait commandé, et on frappa le camp des Philistins, depuis Gabaon jusqu'à Gézé. Ainsi la renommée de David se répandit par tous ces pays-là, et l'Éternel remplit de frayeur toutes ces nations-là, au seul nom de David.